les gens de passage ne voient pas, ne voient pas ce qui se trame. Comme si on avait rebattu les cartes. Dans la gueule, des coups de ceinture, non.